Par ici, madame, dit le fumiste en montrant la rue de la Pépinière. Le passage du soleil est en effet au commencement de la rue de la Pépinière et débouche rue du Rocher. Au milieu de ce passage de création récente, et dont les boutiques sont d'un prix très modique, la baronne aperçut, au-dessus d'un vitrage garni de taffetas vert, à une hauteur qui ne permettait pas aux passants de jeter des regards indiscrets, écrivain public, et sur la porte, cabinet d'affaires. Ici, l'on rédige les pétitions, on met les mémoires honnêtes, etc. Discrétion, célérité. L'intérieur ressemblait à ces bureaux de transit où les omnibus de Paris font attendre les places de correspondance aux voyageurs. Un escalier intérieur menait sans doute à l'appartement en entresol, éclairé par la galerie et qui dépendait de la boutique. La baronne aperçut un bureau de bois blanc noirci, des cartons et un ignoble fauteuil acheté d'occasion. Une casquette et un abat-jour en taffetas vert à fil d'archal, tout crasseux, annonçaient soit des précautions prises pour se déguiser, soit une faiblesse d'yeux assez concevable chez un vieillard. « Il est là-haut, dit le fumiste. Je vais monter le prévenir et le faire descendre. »